Ok, alors bienvenue et bonsoir dans Catharsis. Bonsoir à tous. Alors Catharsis, c'est le podcast qui parle de cinéma avec émotion. Le thème du jour, la colère. Nous allons traiter de films qui abordent le thème de la colère, mais aussi des films qui nous ont mis en colère. Pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagnée de mes trois petits moustiques, Emma, Christopher, yo, et Rémi. Salut. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le film de Rémi, qui va nous parler de La haine de Mathieu Kassovitz, sorti en 1995 avec Vincent Cassel et Saïd Taghmaoui. This is a DJ Underground exclusive. Il n'y a pas grand chose pour que tout bascule. Des armes, des flics, une cité au bord du craquage et une bonne dose de colère. 20 ans après sa sortie, on va parler de La haine de Mathieu Kassovitz. La haine, c'est une journée où tout s'enchaîne et qui se termine par la mort d'un jeune innocent assassiné par un policier. La question que se pose ce film, c'est celle de l'origine de la violence. Comment on a pu en arriver là? Comment un policier a pu tirer une balle dans la tête d'un jeune de banlieue innocent? Cette question, Kassovitz se l'était posée 2 ans avant la réalisation du film, très exactement en avril 93. Du drame survenu dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Un Zaïrois de 17 ans est tué d'une balle dans la tête pendant une garde à vue. C'est à cette période que le jeune Makome Mboole, âgé de 17 ans, trouve la mort lors d'une garde à vue dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Le flic dira plus tard, c'était pour lui faire peur. Lors de son procès, à la question « L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort ?», les jurés ont répondu « Non ». Ce que les médias appelaient alors une simple bavure a fait s'enflammer la cité et a nourri la colère de Kassovitz. Dans La haine, il a choisi de montrer aux spectateurs l'escalade qui a pu mener à ce coup fatal. Pour lui, un environnement comme celui des bars HLM ne peut être qu'un terreau fertile à la colère de ses habitants. Durant les Trente Glorieuses, les gens pensaient vivre heureux dans des banlieues dortoirs, mais l'utopie de la ville nouvelle fut de courte durée. C'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique ? Sous la caméra de Kassovitz, la cité morose, filmée en noir et blanc, dévore les personnages. À Chanteloup-les-Vignes, la cité où a été tournée La haine, les lieux sont en ruine. Mathieu Kassovitz disait lui-même qu'ils n'ont parfois même pas eu besoin de détruire pour le film, vu l'état de délabrement avancé des bâtiments. Mais surtout, la froideur de l'architecture est un vecteur de solitude, de désespoir, d'abandon social. Vous en avez assez, hein ? Comme le montre la scène où les trois personnages, Vince, Hubert et Saïd, attendent, désœuvrés sur des poteaux en béton en plein après-midi. Au milieu du silence, Saïd balance « On est enfermé dehors ». La colère en cité mène fatalement à la violence urbaine, et dans La haine, elle se trouve dans les deux camps. Il n'y a pas de bons et de méchants dans la société vue par Kassovitz, mais des hommes qui, des deux côtés de la barrière, ne peuvent plus garder la tête froide, dans un monde dont plus aucun rouage ne semble fonctionner. Le sociologue Bourdieu a bien su montrer à quel point ce qu'on appelait alors le problème des banlieues n'est qu'une construction sociale. Dès le début des années 80, l'association est faite dans les débats publics entre problème des banlieues et problème d'immigration. Dans La haine, Kassovitz montre bien que la réalité est beaucoup plus complexe. Déjà parce que les trois personnages viennent de milieux, ils ont des ethnies différentes, mais en plus parce qu'en réalité, la violence n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, les phénomènes d'exclusion, de ségrégation, de stigmatisation sont autant de violences sourdes qui peuvent être bien plus brutales que la violence physique. Dans une scène, un journaliste débarque dans la cité et demande à Hubert « Est-ce que vous avez brûlé des voitures, cassé quelque chose ?» Ce à quoi Hubert répond « Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Toiré ici !» Vince va ensuite leur balancer des insultes, et l'altercation se terminera avec le jet d'une pierre et la fuite des journalistes, confirmant ainsi de leur point de vue l'attitude agressive des jeunes de banlieue. « On a du boulot, on est en Ah ouais, ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, hein, histoire de faire un scoop? Vas-y, arrête de filmer! Mais pour qui t'es le poil, venir te péter dans mon quartier, tu mets ta race, vas-y, bouge là !» Mais plutôt que de chercher à comprendre les origines sociales de cette colère, de décrire finement la réalité sociale, économique et politique des habitants des quartiers, les journalistes préfèrent la montrer comme un phénomène de foire, à travers les voitures brûlées, les jets de pierre, perpétuant ainsi un jeu dangereux. Cette question me fait penser à un autre film que j'ai vu assez récemment, En guerre, de Stéphane Brisé. Dans ce film, les ouvriers d'une usine à Agen protestent contre l'annonce de la fermeture annoncée de leur entreprise par la direction. Cette fermeture les pousse dans leur retranchement, et pour exprimer leur colère, ils n'ont plus aucun autre moyen de lutte que celui de la violence physique. Dans une scène tragique, une partie des syndicalistes renverse la voiture du PDG devant les caméras de télévision. Et l'image qui passera en boucle sur les chaînes d'infos en continu, renversant ainsi l'opinion publique, Le PDG devient la victime innocente et les ouvriers deviennent les bourreaux. Ainsi, il est plus facile de montrer la violence physique qu'exercent les victimes de l'oppression, née de leur désespoir, de leur impuissance, plutôt que de montrer la violence symbolique de l'oppresseur. Dans la haine, c'est pareil. Après la scène dans laquelle le journaliste vient pour filmer la colère de la jeunesse, on sait que ces images alimenteront une version typique de la pensée réactionnaire. L'opposition entre la vision soi-disant rationnelle de l'élite éclairée et les pulsions à courte vue du peuple. Comme si la colère n'avait aucune origine, comme si rien ne pouvait la provoquer. En réalité, du point de vue médiatique et politique, les origines de la colère sont secondaires. Du point de vue de l'élite, il ne faudrait pas chercher à comprendre d'où provient la violence, sous peine de la cautionner. Qu'à expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Dans la haine, au contraire, Kassovitz cherche à expliquer la colère des personnages. C'est même le principal sujet du film. Les trois personnages, Vince, Hubert et Saïd, ont une manière différente de gérer leur colère. Hubert est un pacifiste qui est convaincu que la violence n'est pas la solution. C'est le seul personnage du trio à avoir réussi à canaliser sa colère. Il pratique la boxe dans la salle de la cité pour se défouler, préférant taper dans des sacs que sur des flics. Dans sa chambre, on peut voir que ses icônes sont Mohamed Ali et les Black Panthers, des figures noires qui prônaient la révolution par les armes, mais Hubert ne pense pas que la violence peut changer les choses. Contrairement à Vince, qui ne rêve que d'une chose, abattre un policier avec le flingue qu'il a trouvé dans la rue. Comment il est mortel en vérité, putain. Attends, tu veux buter un keuf ? Quoi, tu connais un autre moyen, toi, pour se faire respecter ? Vince a évolué dans un petit univers galvanisé par la testostérone, où être un homme obéit à des règles aussi absurdes que précises, où la démonstration de la colère est synonyme de virilité. Il a complètement intégré ces codes, relayés par la culture dans laquelle il a grandi. La scène dans laquelle Vince rejoue devant son miroir la scène culte du film Taxi Driver est pour moi symptomatique, à la fois de son personnage, mais aussi de la manière dont est représentée la colère dans le film. C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Dans cette scène, le film lie la question du corps à celle de la classe sociale. En parquant les jeunes dans des ghettos à ciel ouvert, on a dépossédé la jeunesse de la possibilité de disposer des armes qui leur permettraient de combattre cette domination. Par l'accès aux hautes études, par exemple. Et donc tout ce qu'il reste à ces jeunes est leur corps. D'où cette attitude viriliste qu'on retrouve dans le personnage de Vince et qui fait la démonstration de sa violence physique. La scène du miroir est surtout révélatrice du désespoir du jeune homme. Vince provoque un adversaire imaginaire, son reflet dans le miroir, car il a besoin d'une figure pour représenter son ennemi. Ici, l'ennemi, c'est lui. La source de sa colère se trouve dans des années de décisions politiques, dans la ségrégation systémique de l'État, dans un tas de facteurs difficilement identifiables. Mais dans cette scène, il ne sait pas tout ça, il dirige sa colère contre lui-même. Dans le reste du film, pour donner un visage à son adversaire, Vince a choisi de s'attaquer à un policier. Peu importe lequel, il veut juste tuer un flic, pour assouvir son besoin de vengeance face à une violence étatique qui le dépasse. La scène de Vince devant le miroir se termine sur un plan coupé brutalement par un fond blanc, une détonation et un montage qui préfigure la fin tragique du film. Alors, est-ce que vous avez vu le film ? Ouais. Je ne l'avais pas vu. Du coup, Emma, toi, t'en penses quoi ? Tu penses quoi de la haine ? Moi, franchement, venant de banlieue, je comprends tout à fait ce qui se passe dans le film, en fait. Enfin, disons que je ne vis pas forcément dans une banlieue difficile, mais c'est ce qui se passe autour qui est assez visible. Et ça rejaillit sur nous aussi, en fait. Enfin, c'est vraiment une ambiance... une ambiance de colère, mais on sait pas trop pourquoi. Une ambiance de ségrégation, on sait pas trop pourquoi. Et c'est des choses qu'on peut effectivement vivre, même en venant dans un endroit pas compliqué, quoi. Mm-hmm. Parce que finalement, quand tu vas faire des études à Paris ou quand tu te balades, c'est marqué sur toi, en fait. Ça se voit sur toi que tu viens d'ailleurs. Que tu viens d'un ailleurs que les autres comprennent pas et connaissent pas. Alors qu'en fait, t'es de la ville d'à côté. Et du coup, ouais, c'est quelque chose... En fait, je pense qu'il a pas fait un film cliché... Kassovitz, il a fait un film qui est assez réaliste. Mmh. C'est juste, dans les propos. Il est juste, ouais. Mmh. Franchement, il est juste. Et il est traumatisant pour ça aussi. Exactement, oui. Mais c'est vrai qu'il a été reconnu pour ça à l'époque. C'était le premier film vraiment à aborder ces sujets-là. Avant La Haine, il y a très peu de films qui parlent de la misère en banlieue. Il y a eu Ma Cité va craquer, mais qui n'a pas, pas eu le retentissement international, parce que le film s'est vendu à l'étranger, La Haine s'est vendu à l'étranger. Il n'a pas eu ce retentissement international-là. Et après La Haine, c'est difficile de trouver un film qui traite aussi justement de ces questions-là, je trouve. D'ailleurs, en parlant de sa sortie étrangère, c'est Jodie Foster qui a vraiment beaucoup porté le film aux États-Unis. Et grâce à elle, il y a eu la sortie Criterion en DVD. Et Spielberg a envoyé un courrier à Judy Foster pour lui dire que il était très content d'avoir vu ce film. D'accord. Voilà. Du coup, maintenant qu'on est aux États-Unis, on va peut-être passer à film d'Emma. Écoute, ouais, pourquoi pas. Moi, je suis sur un thème qui est un peu grave aussi, mais que je vais aborder d'une manière plus légère parce que je vais parler de True Lies. Donc, True Lies, qui est quand même un de mes films préférés, soyons clairs. Il y a Arnold Schwarzenegger dedans. C'est un film d'action à l'américaine, pur et dur, hyper rythmé, avec des punchlines toutes les 30 secondes, mais vraiment très bien monté dans l'histoire. L'histoire est vraiment prenante, donc cet espion, Arnold Schwarzenegger, qui ment à sa femme depuis 17 ans, donc lui est espion, elle s'en est jamais rendu compte évidemment, puisque c'est la bobonne à la maison, elle s'est pas rendu compte que son mari faisait des pompes dans le salon de temps en temps, et qu'il était devenu juste un bodybuilder champion olympique. Donc c'est un film assez drôle. En fait, ce film m'a jamais mis en colère, jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, j'ai une lecture du cinéma qui est de plus en plus politique, qui est de plus en plus critique. Et je me dis, on ne peut pas s'empêcher de voir des reflets de notre société dans ces films-là, on ne peut pas s'empêcher de les analyser. Et donc certes, hein, on voit plus que le négatif et ça pourrit tous les films, mais il ne faut pas manquer ce sujet-là, qui est pour moi en fait le traitement des personnages féminins dans le cinéma, et là, en l'occurrence, dans le cinéma d'action. En fait, ce film, il présente un héros, Arnold Schwarzenegger, donc il est musclé, il est fort, il est puissant, c'est un héros dans la plus pure définition, presque un demi-dieu, et à côté de ça, t'as sa femme qui est bobonne à la maison, qui s'ennuie et qui cherche un peu d'action, mais qui le trouvera que à travers un autre homme, en fait, qui se fait passer pour un espion, mais qui n'en est pas un. Tout ça, ça m'a amené à me poser la question, donc comme je dis, du traitement de la femme, mais aussi du traitement du héros. De l'héroïne. Est-ce que l'héroïne existe vraiment ? Est-ce qu'on peut avoir des héroïnes dans le cinéma ? Est-ce que enfin quelqu'un un jour va faire en sorte qu'une héroïne puisse être écrite, puisse être crédible dans le cinéma ? Juste pour l'anecdote, le mot héros, en fait, on le trouve pour la première fois dans la langue française en 1370, et le mot héroïne, on le retrouve 170 ans plus tard. Ah, c'est chaud. Le mot n'a jamais apparu avant. Enfin, c'est... Ça dénote quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui débloque, en fait, qui déraille. Donc, il y a plusieurs éléments dans ce film qui viennent appuyer ma théorie, que je développe, bien sûr, de manière un peu provocatrice. Hein. C'est une suranalyse du film. Mais je pense que c'est intéressant et je pense qu'on peut analyser les films comme ça. Donc, en fait, ce qui me met en colère dans ce film, c'est ce personnage de la femme. Elle s'ennuie, elle trouve un homme donc qui va lui proposer des aventures, et son mari, s'en rendant compte, forcément est jaloux, et enlève sa femme. Alors, c'est quand même extrêmement violent, il la séquestre dans un endroit, une espèce de cave sombre, où il lui pose des questions ultra personnelles, il la pousse à bout jusqu'à ce qu'elle vraiment subisse un vrai choc, qu'elle s'énerve. Vous restez ici, madame. Laissez-moi sortir d'ici! Répondez à la question. Et ça c'est un ressort narratif qu'on va retrouver dans beaucoup de films, si on l'analyse. Les femmes ne peuvent devenir des héroïnes ou des héros que quand elles ont subi un choc. Shorty, héros depuis le début, on se pose pas de questions, c'est normal, il est fort, c'est un homme. Et de l'autre côté, t'as la femme, elle est obligée de passer par cet événement traumatique pour dire oui, je veux servir mon pays, je veux faire quelque chose de ma vie et je veux pas juste m'occuper de ma famille. Donc ça, c'est un premier élément, je trouve, qui est vraiment choquant dans les films et qui arrive très très très souvent. J'espère que je vous ai pourri plein de films en vous en remarquant cet élément. Du coup, c'est une entrée dans le monde des héros. Mais cette entrée va se faire via son mari, qui va lui dire « je vais te proposer une mission ». Évidemment, quelle mission il va lui proposer ? Première mission, tu vas jouer Dora, ou je sais plus quel est son nom, un nom complètement... non, Doris. Doris. Parce qu'au début, elle dit Natacha. Oui, elle lui propose Natacha et lui fait Doris. Doris. Et du coup, première mission, jouer une prostituée. Alors, pourquoi cette mission ? Pourquoi la prostitution ? Parce qu'en fait, une femme, elle peut être. N'accomplir des actions héroïques que par son corps, en fait. Sa seule arme, c'est son corps. C'est dans la séduction, en fait. Mais du coup, moi, je me demande s'il lui propose pas comme première mission. La prostitution et le striptease qui est avec, parce que en gros il veut juste voir sa femme faire un striptease et qu'après il comptait lui dire la vérité directement en mode c'est moi le... c'est ça, en mode ouais. Regarde, je peux te l'apporter cette excitation qui manque dans ta vie. Oui, mais ça aussi ça pose problème finalement parce que je comptais pas forcément l'aborder parce que c'était un petit... non je comptais pas forcément l'aborder parce que c'est un peu cliché, mais en gros c'est la définition de la femme sexy. Pourquoi il a besoin que sa femme se joue un rôle de prostituée, se mette en sous-vêtements et fasse un striptease devant lui, striptease que lui dirige quand même. On n'oublie pas la petite cassette qu'il a à bout de bras et qui dit enlève tes bas, alors qu'elle a pas de bas parce qu'il a enregistré le truc auparavant. Voilà, donc la femme sexy, c'est ça. Elle est bien foutue, elle a des sous-vêtements sexy et elle sait danser de manière sensuelle, comme il lui dit dans un des extraits. Non, en fait, je pense que Jamie Lee Curtis est sexy par nature, c'est-à-dire qu'elle s'appelait quand même The Body dans les années 80, enfin, il y a un moment, elle est parfaite. Et même en tant que ménagère, quand tu la vois, tu te dis, oula, sous son tailleur un peu vieilli, en laine pourrie et ses grosses avec lunettes... Avec les épaulettes. Les épaulettes, c'est important. Il y a quelqu'un derrière, en fait. Et ouais. On le sait. Donc voilà, ça, c'est encore un fantasme. C'est encore une projection masculine, en fait, sur le personnage de la femme, qui dit, bah, il faut qu'elle soit sexy. La ménagère, finalement, on se fait chier avec et j'en veux pas. Et donc son mari dit ça. Son mari, en gros, ce qu'il dit en sous-main, c'est, je t'aime depuis 17 ans, mais pas trop, en fait, je me fais un peu chier, moi aussi. Alors que finalement, voilà, on s'aperçoit au cours du film que c'est quand même elle qui a une vie un petit peu moins palpitante que Monsieur Schwarzenegger. Donc c'est tout ça qui est gênant. C'est aussi, on se dit, on est des adultes, on regarde ce film, pourquoi montrer des morceaux de femmes comme ça, à moitié nues, ça émoustille qui en fait? Ça sert à quoi? Quel est le vrai but de ce genre de scène? Ça émoustille des ados, mais nous c'est bon, enfin je veux dire... On en a vu des images dénudées dans notre vie et je pense que c'est pas... non mais voilà, je pense qu'on voit suffisamment de pubs pour linger, ouais. Etc. Ça ne sert à rien en fait. Je trouve que c'est même un ressort narratif qui est un peu trop gros, ça fait pas vraiment avancer l'histoire. Ouais. C'est juste une scène qui dure longtemps, qui est malaisante, où t'as une femme qui est forcée de rentrer dans ce genre de situation et qui est forcée de danser pour un inconnu, ce qui est quand même encore une fois traumatisant, donc deuxième surcouche de traumatisme. Voilà, donc ça c'est ses débuts dans le monde héroïque et joyeux de son mari. Après, les années 90, c'est quand même les années des erotic movies, enfin, de tous ces films qui bah, vraiment sont dans. Enfin, des films comme Striptease avec Demi Moore ou. Basic Instinct. Ouais. Voilà, et c'est vraiment une période où le corps de la femme est vraiment sexualisé à outrance. C'est leur seul rôle dans le film. Ça, 9 semaines et demie aussi, oui. Ça doit dater de la fin des années 80. Donc vraiment, on est dans cette période... il y a la petite patine années 90 qui peut-être fait que du coup, on prend un peu de distance avec le truc alors qu'on ne devrait pas du tout... Oui, mais après, moi, j'ai une autre question face à ça, c'est ouais. Est-ce que cette période est finie? Et ma réponse, elle est toute faite. Non. Non. En fait, des femmes qui ont des scènes... mais totalement des scènes de remplissage dans les films. Des scènes gratuites. Et bien, des scènes gratuites, ça existe encore. Et juste là, pour citer, c'est une série, donc on n'en parlera pas, mais c'est La Casa de Papel. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont gênée parce que c'est des failures. Enfin, il y a un moment, les scénaristes ont dû se dire, ou alors le réalisateur, ou alors le producteur, oh mon dieu, pas assez de boobs dans cette série, mettez-moi en vide de 3 à la minute 10. C'est toujours pareil, je pense. Bah, c'est un peu le money shot, quoi. C'est comme la scène dans Star Trek, c'est le 2, je crois. Enfin, le 2 avec... voilà, c'est ça, qui se déshabille en random dans le vaisseau. Et bon, par contre, j'ai sais pas vu pourquoi. Qu'il était censé y avoir une scène avec Dominic Cumberbatch, j'espère que j'ai dit correctement, où il était dans une douche, une connerie comme ça. Il voulait faire un peu d'égalité, mais ils l'ont coupé. Donc l'égalité, finalement... Bah, cherchons le nombre d'hommes entièrement nus à l'écran. Il y en a un. Will Smith, Brad Pitt. Ouais, les deux. Et cherchons le nombre de femmes nues à l'écran. Pour une femme, c'est un passage obligé, même si traumatisant. Lisons des témoignages d'artistes, enfin d'actrices récemment qui ont dit, bah moi ma première scène de nue, bah j'étais traumatisée. On est nue devant tout le monde, les caméras s'arrêtent pas de tourner et tout le monde regarde. Et c'est gênant. Et les hommes, on n'en voit pas très souvent. Donc, D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'omniprésence des stéréotypes sexistes dans les films, les séries, etc., je vous recommande la chaîne YouTube Pop Culture Détective, qui analyse les tropes, donc les stéréotypes, qui mettent en valeur les hommes ou qui humilient les femmes. Il y a par exemple le cliché de Born Sexy Yesterday. Donc par exemple, prends le film Le Cinquième Élément, dans lequel voilà, donc, c'est une femme qui a été créée de toutes pièces, qui est forcément hyper bien gaulée, etc., et qui n'existe que pour satisfaire l'homme. Et en fait, il y a pas mal de films qui utilisent ce cliché-là. Il y a Weird Science, il y a Splash, ces femmes enfants un peu. Et puis ces femmes qui n'existent en fait qu'à travers les yeux des hommes. Les yeux des hommes qui sont réalisateurs, qui sont producteurs, et qui... voilà. Bah, souvent, dans ces films-là, ces femmes, elles existent à cause ou sûrement à cause du désir du personnage masculin. Exactement. Du film. Dans Weird Science, ils vont créer une femme sur leur ordinateur. Il y avait un épisode de Stargate aussi, comme ça, où ils créent une femme de toute pièce. Et puis, il y a des scènes un peu gênantes où c'est un alien, mais ils ont quand même envie de coucher avec. C'est comme. Il y a un film aussi avec. Voilà, j'ai plus le titre. Mais c'est une extraterrestre qui arrive sur Terre, qui connaît rien et qui va tomber sur un homme. Qui est très très basique, un américain de base, un peu bedonnant, etc. Et en gros, tout son univers et toute sa notion de ce qui est humain va passer par son filtre à lui, et du coup, elle est amoureuse de lui parce que, en fait, c'est la seule chose qu'elle connaît. C'est vraiment compliqué, et en fait, c'est marrant parce que c'était un peu mon objectif aussi. Je vous déclenche en fait des clichés, je vous parle en fait de ce que je vois dans les films maintenant. Et en fait, on en a plein. On a plein d'exemples. Oui. Donc c'est vraiment ça. J'en ai d'autres, si vous voulez. Vas-y, c'est ton plaisir, bien sûr. J'ai d'autres exemples. Donc ça, c'était des ressorts narratifs. C'était sur le héros. On va continuer sur la notion de héros, mais cette fois-ci, plutôt dans le combat. Donc, le film, encore une fois, se sert de la femme qui combat comme un ressort comique. Donc ça, c'est un petit peu agaçant. Ça me met en colère, pour rester dans le thème. Une femme, en fait, avec un flingue qui tient tête, c'est un ressort comique. Dans le film, on voit clairement Jamie Lee Curtis avec un beau Uzi. Elle est la seule à pouvoir aider son mari à un moment critique. Elle est dans la capacité totale de tirer. Et en fait, le fait de faire tomber le Uzi dans l'escalier va tuer absolument tous les méchants. Voilà, c'est un spoil, mais c'est pas très grave. Et... en fait, ce que ça dénote là, c'est que non seulement une femme avec un flingue, c'est drôle, il faut voir comment elle bat des bras en mode oh mon dieu, Bobonne a fait tomber le vase, j'ai tout cassé, comme ça. En mode poule, exactement. Et ça, c'est donc voilà, donc ça, c'est un ressort comique. J'ai bien ri la première fois, j'ai moins ri là récemment quand je l'ai revu. Et ce que ça dénote aussi, c'est que les femmes ne tuent pas en fait, c'est contre nature. Schwarzy, depuis le début du film, il a tué peut-être 150 personnes, à peu près, au bas mot, puis quelques chiens, voilà, merci, les deux chiens qui claquent là. Et par contre, Jamie Lee Curtis, elle tue personne. Donc voilà, donc ça c'est un décalage comique, c'est une femme avec un flingue, c'est une femme qui se bat. Et d'ailleurs, à la fin, son seul véritable adversaire, ce sera une autre femme. C'est, j'ai oublié son nom. Tchakara. Alias Sidney Fox, l'aventurière. Voilà, qui est censée être une aventurière, qui est censée être une femme forte, mais pareil, elles se battent entre elles. Et je vous raconte pas le combat dans la voiture, crépage de chignon, et que je te fous un coup de talon par là, et puis une petite claque, et puis. Étonnamment. Il y a un coup de poing qui est sympa. Et étonnamment, elle ne tue pas Tchakaré, il me semble, elle prend un missile dans la face, c'est ça? Oui, exactement. C'est pas elle non plus donc, qui va la tuer. Elle tue personne. Et donc du coup, je me disais, pourquoi pas un petit Bechdel test du combat dans les films d'action pour venir compléter le Bechdel test traditionnel. Savoir si une femme ne parle qu'avec une autre femme pendant le film, de quoi elle parle, donc en général du héros, et si elle a des dialogues elle seule, et qu'elle parle d'autre chose que d'un homme. Quoi. Donc ça, c'est le Bechdel test traditionnel. Et le bec de test du combat, ce serait savoir si une femme se bat avec une autre femme, si une femme se bat contre un homme, mais pour quelle raison. Et un troisième cas qu'il faudrait inventer. Alors là, sur le deuxième cas, tu me fais penser à Star Wars The Last Jedi, parce que l'actrice qui joue, alors j'ai oublié le nom de la femme, excusez-moi, mais... Désir Aiden. Ouais, et du coup, elle s'est pris un déferlement de haine, parce qu'elle sauve le héros qui voulait se suicider à la fin. Donc en fait. Non, c'est pas ça, c'est pas elle. Vas-y, continue. C'est pas elle, excuse-moi. Non, Désiré Adlet, c'est l'héroïne principale, alors que l'autre, c'est le personnage asiatique. Oui, c'est le personnage asiatique. Mais alors, du coup, elle est. Rose, et c'est. effectivement, elle s'est prise une... Elle a dû supprimer son compte Instagram, ou je sais plus, parce qu'elle recevait beaucoup de messages de personnes extrêmement haineuses. Qu'il chippait l'autre couple, tu comprends. Oui, non, mais voilà, mais il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment... Ouais, c'est de la masculinité toxique. Et puis, voilà, c'est justement ce truc-là de la femme qui s'oppose au désir du héros, bah forcément, il faut, voilà, il faut la mater, quoi. Oui, oui. Donc voilà, en fait, donc True Lies, regardez-le, hein, c'est super sympa, c'est drôle, c'est rythmé. Shorty, il est incroyable de punchline dedans, comme d'habitude, mais celui-là encore plus que les autres, je pense. Jamie Lee Curtis est évidemment hilarante, les méchants sont hyper drôles aussi. Ce film est bien, en fait. C'est un bon film. Mais regardons-le avec un œil critique, regardons les autres films qu'on connaît avec un œil critique. Et c'est là où on peut s'apercevoir que c'est des ressorts connus, tout ça, du cinéma d'action, du cinéma comique, mais que ça dépasse les genres aussi. On a plusieurs films, hein, et puis on en a cité plein, mais j'ai aussi cité des séries. Et donc à chaque fois, sur les femmes, c'est vraiment c'est le festival de la torture, c'est le festival du viol, c'est le festival de la dégradation et l'humiliation. Je pense que c'est bon, les femmes s'en sont pris plein la gueule au cinéma pendant des années, je pense que maintenant on a compris, ces histoires-là on les connaît, et je pense qu'on peut arrêter. Je pense qu'on peut faire des bons films en écrivant des personnages féminins crédibles, cohérents, héroïques, intéressants, je pense qu'il faut le faire, et j'espère qu'on fera un catharsis sur la joie. Si je trouve un bon film, je vous en parlerai et je vous dirai, c'est top, il y a des réalisateurs qui... Mais du coup, un bon film, un film sur la joie, ou des personnages féminins, faut pas un trop... Un film qui me mettra en joie, parce qu'il est bien écrit, voilà. Et que les femmes sont bien écrites, et que je pourrais enfin m'identifier à l'une d'entre elles. Parce qu'il y a eu des femmes fortes même à cette époque, c'est-à-dire même avant True Lies, mais c'est juste que... Dans Alien, par exemple. Alien, effectivement. Ouais. Le premier qui vient... Oui, le premier, sauf qu'on déborde dans les clichés dans le deuxième, tout de même. N'oublions pas qu'elle sauve une petite fille, qu'elle revient en arrière pour une toujours petite côté maternel, la famille... Qui est quand même justifiée au début, parce qu'effectivement, sa fille est décédée depuis je sais plus combien de centaines d'années, puisqu'elle était en... Oui, en voyage temporel. Mais Jurassic Park aussi. Quand même, elle va mettre sa main dans du caca. Elle est badass, quand même. Elle est badass, je suis désolé. Et surtout que dans l'autre, les dinosaures sont des femelles. Ah oui, donc finalement, tous les méchants sont. La dernière fois qu'on est allé voir Jurassic Park au cinéma, il y avait quelqu'un dans la salle qui a fait une analyse féministe du film en disant au début du film, il y a quelqu'un qui ne peut pas attacher ses deux ceintures de sécurité parce que c'est deux prises femelles. Mais il arrive quand même à les attacher. Ce qui préfigure la fin où deux femelles arrivent à copuler et avoir un enfant. Préparation paiement subtil du film. C'est vrai. C'est pas mal. Bon, sinon, est-ce que quelqu'un a vu la totale de Claude Didi, la version originale de True Lies? Pas du tout. Ce serait intéressant parce que ça date d'une époque antérieure, du coup. C'est un petit peu avant. Je crois qu'il date de 3-4 ans avant. 3-4 ans avant. Surtout qu'on n'était peut-être pas plongé dans le même stéréotype que le cinéma d'action américain. Oui, mais peut-être que c'est le stéréotype du cinéma d'action français. Oh mon dieu, hein, vous verrez au fil des podcasts, je suis pas très fan. 91, la totale de Claude Didi. Avec Thierry Lhermitte et Miu. Voilà, Eddie Murphy. Non, pas Eddie Murphy, Eddie Mitchell. Eddie Murphy, ok. C'est pas le bon Eddie. je pense qu'avec un casting comme ça, on va s'approcher des mêmes délires. Bon, c'est du Claude Didi, faut pas s'attendre à des trucs de fifou. Donc, analysons les films. N'allons pas voir les films où on sait qu'ils sont vraiment pourris. Tu vas pas aller voir Alad 2. Exactement. Oh là là. Et qui contribue à encore véhiculer des messages comme ça. Essayons d'avoir un regard critique et je pense que c'est aussi au spectateur. D'ailleurs, je vous recommande un blog qui s'appelle Le Commando Culotte qui analyse les films sous le prisme du féminisme. Et donc, ça analyse par exemple Game of Thrones, Harry Potter, etc. Des œuvres que tout le monde connaît et qui analyse pourquoi les personnages féminins sont pas toujours bien représentés. Voilà. Il y a le cinéma et politique aussi. Oui, je connais. Qui a un site internet. Qui est hyper intéressant. Les analyses sont un peu longues, mais c'est vraiment passionnant. Voilà. Mais on passe à la prochaine chronique. Alors, Christopher va nous parler des Nouveaux Sauvages de Damien Ziffron, un film argentin qui date de 2015 avec Oscar Martinez et Ricardo Darín. Eh bien, pour le coup, je vais plutôt faire court et ne pas spoiler parce que quand même, ce qui est intéressant dans ce film, dans les 6 parties de ce film, les 6 parties distinctes de ce film indépendantes, c'est qu'il y a généralement un twist qui est assez intéressant à découvrir quand même. Donc, pour le premier passage, le premier sketch, il s'agit de passagers dans un avion qui font connaissance, mais se rendent compte que leur présence dans celui-ci n'est pas du tout dû au hasard. Il s'agit apparemment d'une vengeance. Je ne vous en dis pas plus, forcément. Le deuxième sketch raconte l'histoire d'une serveuse qui va recroiser un homme politique dont l'ambition et l'égoïsme avaient affecté sa famille de manière tragique et fatale lorsque celui-ci rentre dans son restaurant. Elle aimerait le confronter, mais elle n'en a pas forcément le courage. Ça se voit dans ses actes, dans ses paroles, dans ses gestes. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce n'est pas elle qui va agir, c'est la cuisinière qui est sa collègue, qui va lui proposer une solution plutôt radicale. C'est bien de le dire. Le troisième sketch, c'est un homme au volant d'une belle berline. Il se voit bloquer la route par un autre véhicule plus modeste. Il réussit à doubler le relou en lui faisant un petit doigt bien senti, mais crève une roue plus loin sur son chemin. Manque de bol pour lui, ben, le mec relou avec sa voiture modeste le rejoint quelques temps après. Et un poil rancunier. Un poil. Effectivement. Oh, l'enfoiré ! Arrête ! Bien évidemment, il y a un twist qui va partir en complètement sucette. Le sketch numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, raconte l'histoire d'une personne qui est beaucoup plus proche de nous dans la narration. On peut s'identifier beaucoup plus facilement à lui. Mis à part pour son travail, parce que c'est un ingénieur en démolition, mais dans ce qu'il va vivre, on peut s'identifier très facilement. Donc, il va se faire injustement enlever son véhicule sur un stationnement qui n'était pas marqué. Estimant être dans son bon droit, il va protester et contester l'enlèvement et le PV, mais il va subir les affres de la bureaucratie. Mais subir bien comme il faut. Donc, il va tomber carré de scie là jusqu'à ce qu'il fasse ce que tout le monde aurait fait, un petit pétage de câble. Peut-être pas avec les mêmes moyens, peut-être pas de la même façon, mais... Vu ce qu'il vit, je pense que chacun aurait réagi au moins de façon un peu plus marquée. On va faire du yoga. Mais bon. L'avant-dernier sketch raconte l'histoire d'un jeune issu d'une famille plutôt aisée qui rentre tard chez lui, dans un état de choc, avec la voiture de son paternel bien cabossée. Il se trouve que le jeune a percuté une femme enceinte et a commis un délit de fuite. Donc, forcément... On est un peu dans le stéréotype de la famille un peu aisée et riche. Papa et maman et l'avocat vont donc se pencher sur une solution pour éviter au petit con de répondre aux ses actes, malheureusement. C'est pas étonnamment, c'est celui qui m'a le plus énervé. Autant chacun des sketchs a une représentation d'une personne qui s'énerve, qui va agir contre une situation, autant là, ce n'est pas tant les personnages principaux qui sont décrits qui engendrent la colère. Que je dise bêtise, qui se mettent en colère, c'est plutôt leur réaction face à la situation qui met le spectateur en colère. Bon, il n'y a pas que le spectateur, puisqu'une femme est enceinte a été écrasée, il y a bien sûr un public, les familles des victimes et l'opinion publique, enfin je me répète un peu, mais c'est surtout nous en tant que spectateurs qui avons un sentiment de colère, d'injustice. Et, Oui, c'est le sens de la morale qui est touchée, c'est le sentiment d'injustice. C'est ça. Donc c'est celui qui m'a mis le plus en rogne, on va dire. Mm. Et le dernier sketch raconte l'histoire d'une jeune mariée qui va gentiment découvrir et comprendre que son mari l'a trompée, je ne me rappelle plus exactement. Et que le suprême affront, c'est que le mari a eu la superbe idée d'inviter son amante au mariage. Et spoiler alert, ça va virer chocolat. Ce qui est intéressant dans ces 6 sketchs, c'est qu'il y a un côté jusqu'au boutisme de chaque réaction, de chaque situation. Et c'est pour ça que je ne veux pas le spoiler, puisque effectivement, j'ai trouvé chaque dénouement intéressant en soi. Mais ça donne envie de le voir en tout cas. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui peut se passer. Mais c'est très léger, ce sentiment-là est très léger. Mais en tout cas, effectivement, le côté juste boutisme fait qu'on est quand même très diverti. J'ai pas vu non plus le film, mais là, l'extrait qu'on a vu hors antenne, moi, ça m'a donné envie. Ça se finit souvent avec des mecs qui tapent sur des vitres. Mais oui, ça a l'air très intéressant ce côté, comme tu dis, jusqu'au boutiste de voilà, l'escalade de la violence. Je pense vraiment que c'est pas vraiment mieux qu'à l'habitude, parce qu'il faudrait quelque chose de plus long. Mais le mot jusqu'au boutisme est vraiment ce qui pourrait définir le mieux. Ou alors éviter ce qu'elle a dit de quickly. Mais après, je pense que vraiment tous les personnages du film sont dirigés pas que par la colère, mais surtout par la vengeance. Oui. Ils veulent tous se venger de quelque chose, mais alors ils le font pas du tout de la même manière. Et c'est ça qui est assez cool, qui fonctionne très bien avec ce film, c'est que tu sais que ça va dégénérer, mais tu sais pas comment. Et tu sais vraiment pas comment. La frustration aussi, peut-être, il n'y a pas des personnages personnages. Si, si, mais c'est vraiment. On l'est souvent. Enfin, il y a des personnages qui sont poussés à bout, comme celui qui. L'ingénieur, par exemple. Voilà, le destructeur d'immeubles, là. Non, mais c'est son métier. Oui. C'est, il détruit des immeubles. Il profite de son métier pour se venger. Enfin, je veux dire, c'est un expert en explosifs. On le sait très tôt dans le sketch. C'est vrai. Mais par exemple la mariée ça va être c'est une autre dynamique. La majorité des sketchs effectivement c'est la colère par la vengeance, enfin, résoudre sa colère par la vengeance. Et puis la enfin c'est très drôle quand même. Enfin, oui. Ça a beau parce qu'il y a des scènes assez extrêmes quand même, mais il y a un second ou un troisième degré qui à prendre en compte. C'est pour ça que ça peut être très drôle malgré. Ça permet de rigoler ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des films où tu as des scènes de violence gratuite. Enfin, je pense à L.A. Confidential qui m'avait marqué à l'époque. Un flic qui défonce un Mexicain dans les sous-sols de la prison, enfin top, pour rien en fait. Et ça, c'est vraiment difficile à visualiser. Quoi. Après, peut-être que dans L.A. Confidential, j'arrive à dire ça. Le but, c'est de mettre en avant l'état d'esprit des policiers de l'époque. Ouais. Et le fait que. Parce que je pense que tout ce film, c'est pour donner une sorte d'air du temps. Oui, le racisme institutionnalisé, la violence. Pour le coup, dans Les Nouveaux Sauvages, on est aussi là-dedans. Hein, parce qu'on on voit des personnages de très très basses. Par exemple, la serveuse, elle n'a pas du tout d'argent, pour le coup. Alors qu'on a des gens extrêmement riches comme la famille avec l'avocat et le gamin qui écrase la dame qui est enceinte. Ou même le conducteur qui se retrouve face à une personne plus modeste qui a une voiture plus modeste. Et là, c'est la jalousie qui engendre de la mesquinerie, qui engendre une certaine colère et qui engendre le pétage de câble au final. L'arrogance aussi, parce qu'il est très arrogant. Bizarrement, je ne l'ai pas vraiment pris comme de l'arrogance parce que quand tu conduis, tu vois une personne qui est sur la voie de gauche inutilement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Énervé. Je trouve en plus qu'il a été légèrement mûri. Il pose un petit coup de klaxon vite fait. Mais le petit doigt qu'il lui fait à la fin. Ouais, c'est pour ça. Ça détend. C'est carrément peu utile. Ouais. Mais une petite insulte quand même, t'as envie d'en Est-ce qu'on se souvient des sketchs précédents? Est-ce que ça influe sur notre vision des autres sketchs? Non, ils sont vraiment tous indépendants dans leur traitement, dans leur sujet et dans leur conclusion. C'est pas du tout un film choral en fait, c'est vraiment un sketch et c'est ça. Au départ quand je l'ai vu aussi, je pensais qu'il y aurait peut-être un personnage qui se balade à gauche à droite ou qu'on retrouverait dans un autre sketch, je sais plus quel film j'avais vu qui était justement segmenté dans ce sens-là et que finalement on voyait que comment? Non mais dans Shortcut c'est plutôt un film choral. Je pensais à Les Infidèles par exemple, un peu de ça. Ah, je n'ai vraiment pas vu. Non, c'est pas grave. Mais toujours Les Infidèles, t'as vraiment rien loupé. Pour le coup, De Jardin et. Oui, avec. Jardin et Louche. On reprend le rôle de la femme dans les films. Là, il y aurait des choses à dire, rien que sur l'affiche. Ouais. Oh, c'est vrai. Ah non, mais c'est horrible ça. Mais par contre, c'est Pedro Almodovar qui produit. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que. Donc, Les Nouveaux Sauvages et Les Amants. Passagers. Les Amants Passagers. Sont sortis pas très longtemps l'un après l'autre. Je sais plus lequel est arrivé avant l'autre, mais je pense que d'abord il y a eu Les Amants Passagers et après Les Nouveaux Sauvages. Parce que je me souviens de moi au cinéma en train de me dire, parce que le premier sketch ça se passe dans un avion. Ah. Et j'étais en train de me dire, mais est-ce que je vais revoir les. Parce qu'il y a vraiment là. Alors, c'est pas du tout le même ton, c'est mais. C'est un film qui dure une heure et demie, qui se passe que dans un avion, où ça dégénère aussi, mais d'une autre manière. Et, mais du coup, je me demande s'il y a un lien entre les deux. Après, je crois pas qu'il y ait de personnages qui soient en commun ou un truc comme ça, mais. Industrialisation des scénarios. Non, mais peut-être qu'il avait un avion, il produisait un autre film, et j'ai dit. En vrai, ça se fait beaucoup, hein. des décors qui sont utilisés pour plusieurs films, des costumes aussi. La Turquie Star Wars, par exemple. Là, ils ont carrément utilisé des rushs. Avec l'énorme toile derrière. Mais non, Les Nouveaux Sauvages, ça donne envie en tout cas, parce qu'à mon avis, tu dois ressentir vraiment une espèce de vague de colère. C'est-à-dire qu'au début des sketchs, tu dois être un peu calme en disant, bon, à quelle sauce vais-je être mangé encore? Et en fait, ça doit monter à chaque fois. Mais bizarrement, il n'y en a vraiment qu'un qui peut te mettre en colère. Enfin, il y en a un sur lequel tu peux t'identifier, c'est celui avec l'ingénieur. Parce que tu subis les tracas de la vie, en fait, tu te fais un peu martyriser, un peu utiliser par le système, en fait. Et c'est ça qui peut être assez énervant parce qu'il y a un côté où tu te sens victime et que tu peux rien faire, donc tu es impuissant. Donc voilà, tu ressens l'impuissance. Oui. C'est pas forcément la colère, c'est l'impuissance que tu ressens et tu empathies. Et là où tu peux vraiment te mettre en colère, comme je l'ai dit, c'est celui avec la famille aisée qui veut protéger leur enfant, qui surtout ne veut pas que cet enfant prenne ses responsabilités. C'est frustrant. Ouais. Alors du coup, on a fini sur Les Nouveaux Sauvages. On va passer au film de Rémy, La Ligne Verte, de Franck Darabont, sorti en 1999, un film américain avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan. Oui, parce que j'ai beaucoup trop bossé pour ce podcast. Du coup, je choisis deux films. Il fait l'excédent. Exactement. Alors, en fait, le premier film, c'était le film qui traitait de la colère. Et celui-là, c'est le film qui m'a rendu en colère. Donc, La Ligne Verte. En fait, il y a une scène en particulier qui m'a mis en rogne. C'est celle de l'éponge sèche. Voilà. Alors, ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. En fait, avant toute chose, il faut parler du personnage de Percy dans le film, qui est probablement l'un des personnages les plus méprisables jamais mis à l'écran. Non, vraiment, c'est un gamin, déjà il est intouchable parce qu'il a été pistonné par son oncle, le gouverneur de l'état de Louisiane, et il s'est retrouvé un peu par hasard surveillant de la prison. Donc il n'a aucune légitimité à ce poste, mais au-delà de ça, c'est un personnage extrêmement vil, qui a un niveau d'empathie proche du zéro. Par exemple, quand il voit Edouard, un détenu de la prison, apprivoiser une souris et s'en faire une amie, il ne trouve rien d'autre à faire que de la tuer d'un coup de pied. Envoie-nous des cartes postales. Voilà, il est détesté par tous les autres résidents de la prison, détenus comme gardien. Percy n'est pas un gardien de prison comme les autres, mais en fait, il insiste pour diriger la prochaine exécution pour satisfaire son plaisir personnel. C'est quelqu'un d'extrêmement sadique, et grâce à son pistonnage, il y arrive, il réussit à se voir confier l'exécution de Delacroix, un détenu de la prison, en échange de son départ prochain pour une autre institution. Il faut savoir que, d'ordinaire, quand on exécute quelqu'un, durant l'exécution sur la chaise électrique, il faut poser. Un truc qu'on fait souvent. Oui, moi aussi. Quand je vais exécuter quelqu'un, effectivement, je vais mouiller les fonds. On passe ça dans le contexte. C'est oui, pas, alors. Parce que ça se passe en 1939. Oui, il faut préciser. C'est vrai que j'ai donné aucun ton contexte. Ça se passe au début du XXe siècle. Donc, c'est toujours la chaise électrique qu'on exécute les gens. Et là, donc, pour exécuter les gens, il y a besoin de poser une éponge mouillée donc, sur le crâne des condamnés afin que la décharge électrique aille directement au cerveau et les tue le plus rapidement possible. Mais donc là, donc Percy, qui a envie que Delacroix souffre avant de mourir, au moment de l'exécution, il fait semblant de mouiller l'éponge et pose l'éponge sèche sur le crâne du condamné à mort. Tout le monde se met à son poste, on active le courant, nanana. Édouard Delacroix, vous allez maintenant être électrocuté jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là, Delacroix se prend 2000 volts dans le corps sans mourir. L'éponge est sèche. Quoi ? Voilà, après de très longues minutes d'une torture inhumaine, Delacroix meurt carbonisé. Voilà, dans un épais nuage de fumée. Bah, ce qui est perturbant avec cette scène, au-delà de voilà, la violence de la chose, c'est que Percy prend tout ça avec légèreté, voilà. Avant l'exécution, en fait, ça l'amuse de faire ça. Mais dès que les choses deviennent incontrôlables, il ne peut même pas faire face à ce qu'il a fait. Il détourne le regard pour ne pas voir Delacroix souffrir. Donc non seulement il fait preuve d'un sadisme inhumain, mais il n'est rien d'autre qu'un lâche qui ne veut pas assumer ses actes. Lorsque ses collègues le confrontent, il dira tout penaud « Je ne savais pas qu'il fallait mouiller l'éponge. » Voilà, une bonne tête à claque. Ses collègues répondent « LOL !» MDR. Tu sais pas, tu poses la question. Voilà. Process, merde. Process. Mais c'est un stagiaire, il savait pas. Mais au-delà des actes du personnage, c'est tout le langage corporel de l'acteur qui nous fait le détester. Doug Hutchinson, qui joue Percy, a vraiment été taillé pour ce rôle. Il a une tête un peu enfantine, mais plutôt le genre d'enfant sadique qui brûle des fourmis à la loupe. Sa prestation, vraiment, est fantastique. Mais même dans sa manière de parler, il est insupportable. Là-dessus, il m'a fait un peu penser à Geoffrey Lannister dans Game of Thrones. Et j'ai cherché, je fais des recherches donc, sur le film, et je suis tombé sur un commentaire sur Internet qui résume bien ce que je pense de l'acteur qui joue Percy. Il dit « J'ai beau savoir que le degré de haine que l'on ressent pour un personnage est le meilleur avocat du talent de l'acteur qui le campe, à la fin de la scène de l'éponge sèche, je détestais réellement l'acteur lui-même. » Et c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. Après, bon, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'acteur a joué que des rôles de méchants, quasiment. Ouais, il est un peu connu pour ça, je pense. Il voir une fois gentil, hein, voilà. Je suis pas sûr. Il jouait mal quand il jouait. Ouais, tu te sens sale. T'attends le moment où il va faire son mauvais plan. Quoi. Exactement, ouais. Sinon, au cours de mes recherches, j'ai découvert que la scène de l'éponge, c'est pas tant de la fiction que ça, parce qu'il y a des événements semblables qui ont eu lieu dans la réalité. En 90, en Floride, un condamné à mort a été brûlé vif sur la chaise électrique après l'utilisation d'une éponge synthétique placée sur la tête du condamné. Et depuis ces événements, seules des éponges naturelles sont utilisées, mais malgré les circonstances de l'exécution, ça n'a pas empêché la Floride de renoncer à la peine de mort. Le médecin légiste, chargé à l'époque d'établir le certificat de décès du condamné, n'a pas vu dans cette exécution une raison de justifier une telle conclusion. Je le cite, « J'ai vu de la fumée s'échapper de la cagoule, mais aucune marque de peine ou de souffrance de la part du condamné. Mon avis professionnel est qu'il est mort d'une mort très rapide et humaine. » Voilà, une mort humaine, bien sûr. Voilà. Un petit peu. Exactement. C'est tellement sympa de brûler des gens. Détenu n'ayant plus de minutes. La mort est naturelle. Tout à fait. À l'enfer. Enfer. C'est l'électricité qui t'a tué. Hein, oui, l'électricité, il y en a dans le ciel quand il y a de l'orage. Du coup, c'est naturel. Comme la radioactivité. Ok, ouais, non, ce film était. Mais à l'époque où est sorti ce film, c'est vrai que ça a suscité pas mal de débats sur la peine de mort. De la même manière que Les Évadés a fait repenser les peines de prison, là, après la publication de La Ligne Verte, on a pas mal parlé de la peine de mort. Et je pense que ça a été très utile pour le débat public aux États-Unis. D'ailleurs, même réalisateur et. Même réalisateur. Tout à fait. Non, j'ai eu un doute, c'est aussi King's ce scénario. Alors, oui, la ligne verte, c'est King's. Mais alors, par contre, Les Évadés, je sais pas. Ah, si, c'est King's. Ah, je savais. C'est pour celui-là, j'étais pas sûre. Donc, oui, c'est ça. Donc, même réalisateur et même roman. Enfin, même auteur du roman original. Je pense que. En fait, c'est parce que Les Évadés a très, très, très, très bien. Oui, bah quand tu vas sur tous les tops sur internet, c'est le numéro 1. En même temps, ce film est génial. Oui, non, mais bien sûr, c'est un des meilleurs films. Mais celui-là est très bien aussi. Oui, j'ai pas vu. Bon, que Emma n'a pas aimé, mais. Bah non, j'ai pas aimé. Non, la ligne verte, ça tire les larmes, c'est fait exprès, c'est pour pleurer. Il y a une boîte de Kleenex avec le DVD. Non, je sais pas, En fait, je l'ai vu qu'une fois aussi, ouais. C'est peut-être ça. Hein. Et puis moi, vous savez, je suis très film d'action avec Arnold Schwarzenegger. Faut pas trop moment. Faut pas sortir de ce territoire en fait. Moi, je pense que le vrai défaut du film, c'est 3 heures quoi. 3 heures de film, ça fait beaucoup de films quand même. Enfin, moi je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Une fois, mais je m'en rappelle pas de. Le film avec Adam Driver là, sur les prêtres au Japon, moi j'ai adoré. Ouais, mais il faut une notion. Toi, tu veux embêter certaines personnes. Il faut une notion d'objectivité dans. Ah mince. Ah. Adam Driver. Ouais. Love. On fera un épisode spécial Adam Driver. Ouais. On sera qu'entre filles, je pense. Oui. Pourquoi tu fais pas un tweet justement pour que tu fasses un film ensemble? Oui, enfin, Arnold, il a quand même 71 ans là, faut arrêter. Bah, il peut jouer son père? Il a eu 71 ans le 31, je crois. Bon anniversaire! Bah, non, c'est trop tard. Oui, c'est vrai. On lui re-souhaitera dans un an. Exactement, s'il est pas mort d'un arrêt cardiaque. Mais non. Du coup, on va passer au super quiz. Oui. Ouais, alors pour terminer, j'ai préparé un petit quiz. Le quiz des Lucic. Alors, c'est un petit jeu auquel on avait déjà. Tu me laisses pas finir mes génériques. Excuse-moi, c'est un très beau générique. En fait, c'est un petit jeu auquel on avait déjà joué où on pitch un film, mais mal. Et il faut deviner c'est quoi le film. Et donc, forcément, j'ai choisi des films qui traitent de la colère. Voilà, alors, on va commencer. C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui s'habillent comme des bourgeois pour tabasser des pauvres, mais le chef de... Non. Orange mécanique. Mais le chef de la bande aime bien la musique classique, alors ça passe. On va dire qu'il faut qu'il finisse le... Okay. Parce que... Extrême. Enfin, alors, synopsis numéro 2. Exactement. Un gars reste enfermé chez lui pendant 15 ans, il finit par sortir d'assez mauvaise humeur et décide de taper des gens avec un marteau sur de la musique classique. Est-ce qu'on compte les points? Oh non, on va pas compter les points, c'est collégial, hein. C'est une meuf, elle veut la suite de son roman à la Drose, donc elle va rendre visite à l'auteur pour lui faire comprendre. C'est une bande de gars en voyage en Asie qui veulent montrer à la population locale qu'ils sont pas très contents, alors ils font les kékés dans leur hélico et ils passent du Wagner à fond les ballons. Ah si, c'est Apocalypse Now. C'est l'histoire d'un punk et son pote vendeur de matelas qui en ont marre des supermarchés, alors ils font la révolution. Ah, le grand départ, le grand ménage, presque. C'est le grand quelque chose. En blanc avec une chaussure rouge, t'en souviens pas. C'est un film avec Benoît Poulvord, c'est ça, et Dupontel. C'est pas Dupontel qui réalise? Si, c'est ça. Avec Dupontel qui réalise, et c'est le grand supermarché. Bah, j'ai parlé de Révolution, ça peut se traduire. La Grande Révolution? Non, mais tu connais pas. La Grande Marche? Non, bah si tu connais pas, tu connais pas. Hein. Non. C'est Le Grand Soir. Ah, mais oui. Le Grand Soir. Non, mais t'as tellement mal pitché en même temps. Bah oui. Il a bien fait son boulot. Voilà, exactement. C'est une bande de jeunes qui décident de repeindre en rouge les bureaux d'un laboratoire pharmaceutique. Pendant la majeure partie du film, on les voit s'engueuler entre eux. 120 minutes. C'est ça. C'est l'histoire d'un grand brûlé qui réalise les rêves des adolescents pendant une dizaine de films. C'est Le Jour de la Nuit. C'est l'histoire de. Bah oui, je vous l'ai dit. Je cherchais un film. Non, c'est pas ça même. Non. Celui-là, je l'aime bien. C'est l'histoire du sosie d'Alain Soral qui est tout le temps énervé contre un jeune batteur. De temps en temps, il lui balance des chaises à la tronche. Ah, c'est Whiplash. Ouais. Ah Whiplash. C'est ça, c'est Whiplash. Oui, c'est Whiplash. C'est trop bien. Il y a des moustaches en fait. Non, pas du tout. Non. Moustache de bovine. Une famille passe ses vacances au bord d'un lac, leurs voisins leur rendent visite pour leur demander des œufs ou leur proposer une partie de golf, je sais plus trop, et ça met tout le monde de mauvaise humeur. C'est des œufs qu'ils leur proposent, ouais. Et c'est Anneke qui réalise, il a fait deux versions, une version allemande et une version tout française, à fait, oui. Version américaine. Alors, c'est pas des anecdotes que je demande, c'est le titre. Oui, mais je me suis oublié du titre. Attends, ah, mais ils sont Oui, il est horrible, ouais. C'est oui, celui avec Tim Ross. Ah, il est affreux, c'est un film très violent. Funny Game. C'est ça, c'est Funny game. Tout à fait. Ensuite, c'est l'histoire d'un mec qui a un tatouage pas commun sur le torse. Il a plusieurs passions dans la vie, mais ce qu'il aime le plus, c'est casser des dents sur les trottoirs. American Story. Tout à fait. C'est l'histoire de Ryan Gosling qui a des problèmes de haine de soi. De haine de soi. Ouais. Genre il ne s'aime pas. Ouais. Non. Non, Olivier. Non. Je te vois. Ouais, c'est son premier film. The... Ah oui. Oh. Ah bah on allait de sortir tous les films avec Ryan Gosling. Premier film. Avec Anne Castor, je sais pas quoi là. Avec la flotte, le truc, avec la ville. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vie en lui. C'était son premier film avec Eva Mendes. Atlantis. Ah, qu'il a réalisé, parce que si c'est le premier qu'il a réalisé, c'est Lost River. Ah, je sais pas alors. Mais il était enfant. Il est enfant ado quoi. C'était après Disney bien sûr. J'ai envie de te dire Hercule. Et d'ailleurs le film ça, ouais, c'est pas trop Disney hein. C'est vraiment violent. Je sais. Donc peut-être que vous connaissez pas, c'est Dali Balint. Non, je l'ai pas vu. Bon en gros c'est l'histoire d'un néo-nazi juif. Donc voilà, il a des problèmes de haine de soi. Ah oui, ah, oui, oui c'est ah, pas ah mais si j'ai déjà vu les. Ouais. Enfin j'avais vu que c'était des trucs que je dois regarder. D'accord. Je crois qu'il est. Pour la réutiliser pour un pitch en France. Ça un marche. Néo-nazi juif. Ok. Alors là, j'ai le final round. Oh on pourrait ajouter une musique bien vénère. Final round. Ok. C'est l'histoire du géant vert qui est vénère contre tout le monde. Hulk. C'est l'histoire d'une jeune mariée qui est vénère contre tout le monde. Tout le monde est vénère. Kimmy. C'est l'histoire d'Albert Dupontel qui est vénère contre tout le monde, mais juste pendant deux jours. Enfermé dehors. Non. Bernie. Non. Fais-moi ferme. Juste pendant deux jours. Pas 9 mois. Oui, bah ça, je sais pas, j'ai pas vu. Deux jours à tuer. Non, ah bah. Mais. Oui, bon. Par un des indices dans le film, parce que mais... moi je pensais justement je pensais... à Bernard Dupontel, mais vu que t'as dit deux jours, ah, ouais. Ça fait ouais. J'ai trop mal décrit. Mais deux jours à tuer, c'est pas un film sur quelqu'un qui va voir sa mère et elle veut être euthanasiée. Non, c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça. C'est l'histoire. Tellement mal. Vous êtes bon. C'est l'histoire d'un Mexicain qui aurait pas dû avoir son propre film et qui est vénère contre tout le monde. Machete. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il est nul ce non, film non, non. Ah non, mais je me suis endormie au cinéma pendant le 2. J'ai dormi, moi, j'aime au cinéma. Et ouais. Puis, Lady Gaga, quoi, dans le 2. Lady Gaga dans le 2. Oh, ne me faites pas commencer. C'est l'histoire d'un gars qui est vénère contre tout le monde après la mort de son chien. Ah, ça c'est. J'aime pas, c'est tellement génial. Ah, j'adore ce ça, film. Ça, on aime, on adore. Il y a pas de femme dedans, c'est nickel. Ouais. Comme ça, tu peux non, pas le dire. Si elle est dans les flashbacks. Oui, mais elle est mort. Et dans le 2, il y en a une. Comme mais elle parle pas. Calme devant le film. Si, mais c'est pas pire quand il y a pas de femme du tout. Si, c'est pire en vrai, si, mais j'adore ce film. Il est pas mais c'est pas facile. Ah oui, l'espèce de tueuse à gage là. Mais elle est pas dans le 2. Non, non, celle avec les cheveux blonds et courts là. Oui, qui se craque le pouce pour sortir de ses menottes. Enfin, ouais. Bref. Ouais, oui. Je sais pas si vous connaissez celui-là. C'est l'histoire de Michael Douglas qui est vénère contre tout le monde. La crise. Non. Michael Douglas. The Burnout. Non. The Game. Non. C'est Chute libre. Non, vous connaissez ah, pas. Ah, mais non, parce que j'en non, ok. C'est, il est dans un embouteillage au début. Oui, voilà. Film, et, avec... et il est grave vénère. Je pensais que ça s'appelait la chute. Ah oui. Mais j'inverse avec un film avec Vincent Lindon. C'est drôle que tu dis ça, c'est l'histoire d'un petit moustachu qui est vénère contre tout le monde, mais surtout les juifs. Voilà. Allez, oh, j'ai vu dans le futur. Exactement. C'est parfait. Et ben, c'est ainsi qu'on va conclure notre petite émission. Voilà. C'est clair. La joie, alors. Ouais. Colère. Bah merci à tous de nous avoir écoutés. Bon, j'espère que c'était pas trop horrible pour vos oreilles. Ouais. On fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Et à bientôt. Et bonne nuit, bonne journée, cher Loustic. Ah oui. Au revoir. Loustic.